Et salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Nous sentons heureux ce soir. Parce que le Seigneur a permis qu'on vienne dans sa présence. Le frère Aaron, le pasteur de Luambo. Nduku Aaron, pasteur de Luambo. Frère Charles de KMB de Benin. Nduku Charles KMB de Benin. Le frère Luamba de Katanga. Nduku Luamba de Katanga. Nous sommes tous salués au nom de Jésus-Christ. Frère Aaron vous a souhaité les meilleurs vœux. Il m'a dit qu'il vous aime beaucoup. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Dans Proverbes au chapitre 17. Mesali kumina saba. Proverbes chapitre 17. Mesali kumina saba furake. Dans son verset 13. Mosali yake ya kumina tatu. Notre Père céleste. Baba yetu aliyejo mbinguni. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. Atutachoka kupikia asante. Chaque jour de notre vie, kila siku ya maisha yetu, nous bénéficions de tes multiples grâces. Tunafaidia na neema yako ya mingi. Il n'y a rien que nous avons par nous-mêmes. Hakuna kitu hata kimoja tulipokea kwa shibe yenyewe. Mais tout nous recevons de toi. Malakini biote tunaipata kutoka kwako. Bénis chaque frère, chaque sœur. Ubariki landuku na kila dada. Toi qui connais les besoins de chacun de nous. Wewe mwenye kujua hitaji ya kila mmoja wetu. Tu connais les désirs les plus profonds de nos cœurs. Unajua hata mania ya upana mamoyo yetu. Réponds Seigneur. Ujibu Bwana. Pour que notre joie soit parfaite. Kusudi furaha yetu ipate kuwa kamilifu. Et qu'à notre tour nous glorifions ton nom. Na kungambo yetu tutasifu jina lako. Bénis la parole qui sera lue. Ubariki neno tasoma. Souviens-toi de tous les malades. Ukumbuke bagonjwa bote. Et de tous ceux qui ont besoin de toi. Na hata bale bote wanakuhitaji. Du début à la fin. Mwanzo na mwisho. Que ton nom soit honoré. Jina lako lishimishwe. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Au verbe 17, 13. Mesali kumina saba, mufaki ya kumina tatu. De celui qui rend le mal pour le bien. Ya, kwa ule eko na fanya bubaya, anabucha kwa buzuri. Il rend le mal pour le bien. On lui a fait le bien, mais lui rend le mal. Ba mufansia kibaya, yanarucha kibaya. Le mal ne quittera point la maison. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dans ce tout petit verset, Dieu y a caché de grandes bénédictions. Mungu alifuchikamu mabaraka ya mingi sana. Que chacun de nous en tant que fils et fille de Dieu. Ile kila moja wetu sa mwanaume na mwanamke wa Mungu. Doit profiter. Anapasha kufaidia. Dans notre vie en tant que fils et fille de Dieu. Mu maisha yetu sa watoto mwanamke na mwanaume wa Mungu. Ne faisons jamais du mal aux hommes, aux femmes, aux sœurs, aux frères qui nous ont fait du bien. Tufanishie kamwe kibaya kubatu wanaume banamuke banduku badada bali atufanishie bitu vizuri. Nous devons toujours être reconnaissants. Tunapashi kuya kila mara wakutambua. Même si quelqu'un t'a rendu un petit service. Ataka mamuntu akufanshia kakazi tu kidogo akusaidia kidogo. Dans lequel tu as trouvé une bénédiction. Muile uripatia msalama wala baraka. Soyez toujours reconnaissant. Mpate kuwa kila mara bakushukuru. Prenez dans votre cœur une décision noble. Mubebe mupango ya mzuri kabisa ndani ya moyo wenu. De ne rien faire de mal à cet homme. Ya kusema umuntu sitamfanyia kitu hata kimwa kibaya. Quand un homme te fait du bien. Wakati muntu anakufanyia kizuri. Quand une femme te fait du bien. Wakati mwanamke anakufanyia kitu kizuri. C'est parce que tu as de la valeur à ses yeux. Ninju kumancho yake uko na bei. C'est parce que dans les profondeurs de son cœur il t'aime. Sababu mupana ya moyo wake anakupenda. C'est parce que devant sa face, mbele ya uso yake na ndani ya moyo wake, il n'a pas une dent contre toi. Ana na kasirani wala mambo na we. Il n'a pas de la haine contre toi. Ana na chuki kwako. C'est quelqu'un qui veut te voir heureux. Ni mtu ule unapenda kukuona waheri. Alors jamais, jamais ne rendez le mal à quelqu'un qui vous a fait le bien. Mushifanyie kitu kibaya ula kufanyia kitu kizuri. Regardez ce que l'écriture dit en bas. Mwangavi andiko anasema huko chini. Celui qui agit de cette manière. Mtu ule konatenda muinamna. Il colle la malédiction dans sa vie. Eko na lamika lahana maisha yake. Il s'enferme lui-même dans la malédiction. Yone jifunga ya mwenye katika lahana. En agissant de cette manière, mukutenda muinamna, le mal bubaya ne quittera jamais votre maison. Abuta tukaka kamwe munyumba yako. Le mal ne quittera jamais votre vie. Bubaya abuta tukaka kamwe maisha yako. Parce que la semence que tu as semée, abule mbe kuripanda, est une semence de la méchanceté. Nimbeko ya rumbaya. Cette méchanceté que tu as semée, ile rumbaya uripanda, tu finiras par la récolter. Utavunaka paka. C'est pourquoi apprenons dans notre vie. Chukomana mumaisha yetu tujifunze. À faire du bien aux autres. Fanya batu bizuri. Ayez toujours des pensées nobles. Tukwe na mawazo paka ya kunyoloka mbele ya batu. Prenez la décision d'agir toujours bien. Beba mupango ya kutenda paka mzuri. Prenez toujours la décision d'être reconnaissant envers celui qui te fait du bien. Beba mupango ya kufanyisha bizuri paka ula kufanyisha bizuri. Même s'il fautait contre toi. Ataka maole mtu anafika mukukosa mbele yako. Parce que c'est un homme, tout homme n'est pas parfait. Sababu ni mtu yote anakamilifu. Même s'il arrivait à fauter contre ata toi. Ata kama anafika mutenda wala kukosa mbele yako. Même s'il arrivait à t'offenser. Anakukosea. Tenez compte du bien qu'il t'avait fait. Weye angaria kutuba bizuri bila shakufanyishaka. Et prenez son offense actuelle. Na beba ibubaya yake makosa yake hapa sasa. Comme une erreur de sa vie. Sawa nkosa maisha yake. Et oubliez cela. Na sabwa. Si chacun de nous peut faire cela. Kama kila mmoja wetu anaweza kufanya vile. La bénédiction de l'Éternel. Baraka amileri. Nous accompagnera tous les jours de notre vie. Itaanza kutushindikiza kila siku ya maisha. C'est comme nous l'avons dit dimanche. Ni pas vile tulisema dimanche. Nous devons tous éviter la vengeance. Shibote tunapasha kuepuka kulipishana kisasi. Il n'y a pas de bénédiction dans la méchanceté. Muro mubaya amuyakuya baraka. Il n'y a pas de bénédiction dans les règlements de compte. Mukuripishana kisasa wala kurudishana mubaya pa mubaya amuyakuyaka baraka. Quand vous semez la violence, wakati unapanda ukaidi, vous récolterez aussi la violence. Nao utavuna paka ile ulipanda. Même si tu ne récoltes pas cette violence, ataka mauvune ile ukaidi, avec celui à qui tu as commis la violence, kutokea kwa ulo ulikoseaka, vous allez la récolter à travers quelqu'un d'autre. Unaweza kuivunia hata kwa mtu mwingine. C'est pourquoi soyez avertis. Ndio kwa maana mukalamuke. Et cela pourra nous éviter beaucoup de problèmes dans notre vie. Na ile itetuepusha kwa mambo ya mingi maisha yetu. Même dans nos couples, nous devons éviter la violence. Ata ma jamaa yetu mandoa yetu mapashi kuepuka. Nous devons éviter kaidi, la vengeance. Mapashi kuepuka kuripishana kisasi kurudishana mubaya kwa mubaya. Comme ça. Ça veut dire ifanya hivi. Moi aussi j'agirai de cette manière. Na mimi tamutendea mwinamu. Comme il s'est mis en colère contre moi. Sa hivi anashirika. Moi aussi je me mettrai en colère contre lui. Na mimi tamushirikia. Comme il m'a injurié, ça y vient une tukana. Moi aussi, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Nami ta monnaie chakile niko. Mais comme lui il m'a giflé, ça l'a rimpika. Moi, je vais le tuer. Mimi tamua. Ne le faites jamais. Mushipima kufanya vile. Non bien aimé frère. Apana nduku mpendo. Fais-tu bien à tout le monde. Fanche bizuri kubatu bote. Même à vos ennemis. Attaque par Dieu. Si vous avez l'occasion de lui faire du bien. Kama ukuna bate kufanya kitu kizuri. Faites-lui du bien. Uifanye. Dans le ciel. Mbingu. Il y a un Dieu juste. Ko Mungu mwenye kunyoloka. Celui qui a dit. Ulalisema. À moi la vengeance. Minjo talipisha kisasi. À moi la rétribution. Na ni minjo paripa mutu wote. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous passons à nos questions-réponses. 73e question. Ulizo ya makumi saba na tatu. Mon frère bien-aimé, j'ai une préoccupation sur la repentance sincère. Ndugu yangu mpendwa, niko na ngaiko yuri ya kutubu kwa roho yote. Comment se repentir à l'homme et à Dieu sincèrement. Namna kani mtu anaweza kutubu kubatu na kwa Mungu na roho yote. Comment se repentir à l'homme? Namna kani kwenda kutubu kwa mtu et à Dieu sincèrement. Na kwa Mungu na roho yote. Quels sont les péchés deuxièmement? Quels sont les péchés? Ya pili, ni zambi kani? Qu'il faut se repentir à Dieu. Il est inafai wendo katubu kwa Mungu. Et ce qu'on doit se repentir à l'homme. Na ile unapashi kwenda kutubu kuba, kwa mtu. Car le pardon est auprès de Dieu. Kwani usama iko ni kwa Mungu. Le frère ou la sœur. Nduku wala dada. A deux préoccupations majeures. Eko na ngaiko mbili mkubwa. Il veut savoir en tant que chrétien. Anapenda kujua samu Kristo. Comment peut-il arranger sa vie sincèrement devant Dieu et devant les hommes? Namna kare kutengeza maisha na moyo yote mbele ya watu na mbele ya Mungu. Et il veut savoir. Na anapenda kujua. Quels sont les péchés? Ni manzambi kani? Lorsqu'il est commis, wakati anaitenda, il doit aller se repentir uniquement à Dieu. Anapaswa kwenda kutubu malama kwa Mungu. Et les autres, il doit ingine, se repentir à l'homme qu'il a offensé. Anapaswa kwenda kutubu kwa mtu alikosea. Parce que le pardon sababu se sama, trouve auprès de Dieu. Iko ni kwa Mungu. Je réponds à cette préoccupation. Nitajibu kuyanga iko. Dieu dans sa parole. Mungu Daniel Nulaki a établi de loi Ariweka masheria de règles makanuni et de voies na mandia que chaque enfant de Dieu yeye kila mtoto wa Mungu doit emprunter anapasha kutembelea amu pour recevoir le pardon du Seigneur. Dieu a fixé des règles que l'homme doit respecter pour parvenir à un pardon sincère. Pour que Dieu le pardonne. Parce que le pardon se trouve auprès de Dieu. Comment se repentir à l'homme et à Dieu sincèrement. Lorsque vous avez offensé une personne, premièrement, la parole de Dieu vous demande d'aller voir cet homme-là. Ya kwenda kona ule muntu ulikosea. Après avoir regretté sincèrement la faute que tu as faite. Kisha wakuzunika nguvu sana yule ile nkosa alimtendea. Allez voir cet homme-là, cette femme. Ukamwona ule mwanaume wala mwanamke. Pour confesser votre péché. Juu yawe kukiri zambi yako. Pour réparer votre péché. Jo kutengeneza zambi yako. Et ensuite, Akisha, retourner à Dieu, kurudia kwa Mungu, dans une prière sincère, maombi ya moyo yote, ya wazi, pour demander pardon au Seigneur, Dieu akumulomba buruma Bwana, en disant, kusema, j'ai accompli tout ce que tu m'as exigé. Militimiza ile yote ulilomba. J'avais offensé mon frère. J'avais offensé ma sœur. Je viens vers toi pour recevoir ton pardon. Et restez là. Na ubakie pale mu maombi. Jusqu'à ce que vous sentez dans votre cœur kufika na palo tashikana ya moyo wako que le poids du péché t'a été ôté. Yakusema ile buzito ya zambi natoka. Que vous ayez de l'assurance dans votre cœur upate kuwa na hakikisho ndani ya moyo wako que Dieu t'a pardonné. Ya kwamba Mungu anakurumia. Jusqu'à ce que tu reçoives na palo tapokea, la paix dans votre cœur. Salama ndani ya moyo. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Très important. Ya mafaka bisi. Je reprends. Mina rudiria. Si tu offensais ton frère ou ta sœur, kama unakosea nduku yako wala dada yako, ou une personne quelconque. Voilà mutu mafulani. Tu es conscient de ce que tu as fait. On attambua kilo lifanya. Tu regrettes sincèrement cela dans ton cœur. Una uzunika ndani ya moyo wako. La première des choses que tu fais. Kitu kya kwanza kino unapaswa kufanya. Après ton regret. Kisha wewe kuzunika. Et d'aller confesser et réparer la chose devant ton frère, devant ta sœur. Ni kwenda kukiri na kutengeneza ile kitu mbele ya nduku yako na dada yako. Après avoir confessé sincèrement et regretté votre péché. Kisha kukiri na kuzunika sana juu ya ile zambi. Après avoir réparé avec ton frère, kisha avec ta sœur. Kutengeneza na nduku yako na dada yako. Ensuite retourner. Kisha rudia à Dieu dans la prière. Kwa Mungu ndani ya maombi. Et lorsque vous retournez à Dieu dans la prière, na wakati warudia kwa Mungu ndani maombi, c'est pour dire au Seigneur, ninja kumwambia Bwana, j'ai accompli ta volonté. Natimiza mapenzi yako. J'avais offensé mon frère. Nilikosea nduku yangu. J'avais offensé ma sœur. Nilikosea dada yangu. Je viens maintenant. Minakuya sasa. Pour que toi tu me pardonnes. Juu upate kunisamea sasa. Parce que le pardon se trouve auprès de toi. Sama inatokeani kwako. Restez là devant le Seigneur jusqu'à ce que le poids du péché soit ôté. C'est-à-dire, restez là. C'est bon, tu vas qui a parlé. Priez jusqu'à ce que tu sentes. Womba, fika na palo tashiki au sema. Réellement, Dieu t'a pardonné. Akika, Mungu anakurumia. Et comme signe que Dieu t'a pardonné. Sa alama kusema Mungu anakurumia. La condamnation. Ukumu. Que tu avais. Ile kwa nayo. Ce péché là. Yule ale zambi. Sera ôté. Itatoka. La paix viendra. Na salama itakuya. Certitude viendra. Na wakika itakuya. Et tu peux maintenant quitter l'hôtel. Naweza kutoka sasa kwa madhabahu. Avec la paix dans ton cœur. Na salama ndani ya moyo wako. Avec la joie dans ton cœur. Na furaha ndani ya moyo wako. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Je parle lentement. Nuna sema pole pole. Qui n'a pas compris? Nani ashielewe? Maintenant, lorsque vous offensez Dieu, sa mwakati omkosea Mungu. Allez à genoux, tu n'as pas besoin d'aller voir le pasteur. Aikulombe wendo kamone pastori apana. Ou un prédicateur. Wala mubiri. Maintenant, si ta conscience te dit que kama zamiri yako nakwambia sema, tu as offensé Dieu. Ukosea Mungu. Allez encore à l'hôtel. Wende tena kwa zabau. Allez dans la prière devant Dieu. Wende maombi la Mungu. Regrettez cela devant la face du Seigneur. Pate kuzunika mbele ya uso wa Bwana. Confessez cela, demandez pardon Kiri, de votre péché. Na lomba buruma juu ya zambi yako. Et demeurez là. Na ubaki pale. Jusqu'à ce que la paix revienne dans votre cœur. Fika na pale salama itarudia ndani ya moyo. Jusqu'à ce que la condamnation disparaisse de votre cœur. Fika na pale ukumu itapotea ndani ya moyo. Et là tu peux t'élever. Na pale unaweza shimama. Et t'en aller avec assurance. Na kwenda na tikisho. Que Dieu t'a pardonné. Na kwamba Mungu anakurumia. Ne quittez pas l'autel avec la condamnation dans ton cœur. Ushtoke kwa madhabahu na hukumu ndani ya moyo. N'abandonnez pas la prière avec tout en restant avec la condamnation dans votre cœur. Usiache kuomba na mahukumu ndani ya moyo wako. C'est ce que nous devons faire. Je t'en passe kufanya. Tu as compris ça? Nani leo? Maintenant pour la deuxième pensée. Ça wazo api. Quels sont les péchés qu'il faut se repentir à Dieu et à l'homme? Mazambi kani apashi kwenda utubu kwa mtu na kwa Mungu. Je réponds à cette préoccupation. Najibu kuyangaiko. Les péchés que nous nous repentons devant Dieu. Mazambi le tunaenda kutubu mbele ya Mungu. Sont tous ces péchés ni mazambi yote commis dans notre pensée et tuna tenda mawazo yetu dans notre esprit moro yetu. Les mauvaises pensées mawazo mbaya. Les mauvais sentiments mania ya mubaya. Les péchés d'incrédulité. Zambi ya kutokuamini. La convoitise des yeux. Tamaa ya macho. Voilà le péché. Njo mazambi. Que nous devons amener devant le trône du Seigneur. Tuna pasha kupeleka mbele ya kiti ya enzi ya Bwana. Pour demander pardon. Nja kulomba usama. Tous les péchés que nous commettons dans notre esprit, dans notre zambi yote tunatenda mawazo yetu, moro yetu. Dans lesquels nous avons offensé Dieu, Mouile, les hommes. À Mungu, wala batu. Nous irons vers Dieu. Tenda kwa Mungu. Et ce sont des pensées, des mauvaises pensées qui s'élèvent en nous. Na ni mawazo mbaya yanamkandani yetu. Mania mbaya yanamkandani yetu. Tamaa macho. Le péché d'incrédulité. Zambi ya beaucoup, je ne peux pas aller énumérer ici. Iko ya mingi atuwezi kuanza kuitaya moya kwa moya hapa, hapana. C'est pratiquement impossible que je le fasse. Iko ya kushindikana tuanze kutaya zambi mwamua za mwamua. Ili mnapashi tukubamba. Tous les péchés qui sont attachés à l'esprit, à la pensée, aux mauvaises pensées, aux mauvais sentiments, à la convoitise des yeux, au péché d'incrédulité. Voilà zambi ya kutokuamini. Si vous le faites, kama unatenda ile zambi, allez vers le Seigneur. Uende mara moja kwa Mungu. Je donne un petit exemple pour que tout le monde comprenne. Lete kama mfano kidogo juu batu bote afike mkuelewa. Vous convoitez une jeune sœur. Unatamania dada moya. Il ne faut pas aller lui dire que il faut pas aller confesser à la sœur. Pana kwenda kumwambia dada. Sœur, pardonne-moi. Dada, unirumieko. J'étais convoité. Nilianza kutamania. Cela est faux. Il ni mambo ya bongo. Va engendrer une fausse chose dans la sœur. Utenda kuzalisha na kitu mawazo mubaya ndani ya dada. Une haine sans cause s'élève dans ton cœur. Pardon? Une haine. Chuki moya inalamuka ndani ya moyo wako. Un mauvais sentiment s'élève contre votre frère. Mania tu mbaya na lamuka njua ndugu yako. Tu n'as jamais parlé de cela à quelqu'un d'autre. Au yambiaka mtu mwingine. Mais tu sens que tu es loin des mauvais esprits. Mais on a cher sema usha kupakwa tu na maro mchafu. Il faut sair un frère. Ili kuna kusukuma uchukie tu nduku, uchukie dada. A vouloir lui faire du mal. Unapenda kufasha pa vibaya. Mais tu n'as jamais dit cela à quelqu'un. Mais au yambiaka bio mtu. Allez vers Dieu. Wendo katubu kwa Mungu. Tu ne peux pas aller vers la sœur ou hawezi kwenda kumwambia nduku wala dada. Et lui dire que naambia sema pardonne-moi ma sœur. Dadangu nirumieko. Pardonne-moi mon frère. Ndugu yangu nirumieko. Je ne t'aime pas. Mimi sikupendaki. Tu vas tuer ce frère. Ule nduku tamua. Tu vas tuer cette sœur. Utaua ule dada. D'ailleurs, tu ne connais même pas à quel niveau il est, il, à quel stade de la foi il se retrouve. Aujourd'hui, au thème est comme Kimokani, Nabuana, Yaimani. Si lui-même est un converti. Kama yeye mwenyewe ni mpagano cha amini. Vous lui dites ça. Na unaenda kumwambia vile. Vous allez semer quoi en lui? Ni nini lotenda kupanda ndani yake? Votre repentance va l'édifier en quoi? Est-ce que kutubu kwako kule kutaa msaidia yeye kunini? Vous comprenez cela? Munaelewa hili? Est-ce que vous comprenez cela? Munashikia bi. Non frère, je suis venu. Non nduku, mina ko nirumieko. Il y a un démon qui m'a habité. Ku démon moi alinikala. J'avais déjà préparé un couteau pour te tuer. Miko mshata isha kisu njo kutwanga nikuwe. Mais tu es allé te provoquer des problèmes. Unaenda tu kuleta mambo tena ingine. Effectivement, tu as tué cette sœur et ses frères. Ya kweli unamua na kumuona nduku. Si elle n'est pas fermée dans la foi, il n'est pas fermé dans la foi. Kama na ukishikamana mu imani, mwanamke na mwanaume. Elle va commencer à raconter cela. Elle raconte à sa famille. Sema sema ili anaenda ambia ndugu yake. Elle ne verra pas, il ne verra pas de repentance en toi. Ashita ona sema ulikuwa ni kutubu wewe, hapana. Le même Satan là qui t'a poussé d'aller vers lui. Ule shetani mwamua kusukuma ndo kamoni. Va entrer dans l'autre. Atengia maule mwenye renda kutubu sasa. Mungu ashilalake. Dieu ne dort jamais. Mungu ni wa nguvu sana. Dieu est très puissant. Secret kinatoka wapi? Les secrets vraiment à nu. Ule frère il faut kwenda naye mbali. Ce frère là il faut s'éloigner. La sœur là il faut s'en mushikie, mushikie vitu alisema. Donc vous allez tuer beaucoup de gens. Usema mwili namna utauya mwana watu ba mingi. Unatamani bibi wa benyewe. Vous convoitez la femme d'autrui. Wana wa benyewe. Ou le mari d'autrui. Ishanjoneza sema frère. Tu dis nduku. Je suis venu vraiment demander pardon, sincèrement pardonne-moi. Ah, je t'ai envié. Tu as fait quoi dans ce frère? On est canin, on a pas d'anin d'ailleurs le dos. Dans cette sœur? Voilà, dada. Faut pas le faire. Pas dans la ville. Faut jamais le faire. Faut quand même dans la ville. Une jeune fille. Oh, qui a un mon amour. Tu as vécu une vie de prostitution. Tu n'as même pas couché avec un homme, tu as couché avec plusieurs garçons. Après que tu sois chrétienne, Kisha Kwamini, tu t'es repenti de ces choses-là devant le Seigneur. Quand un mari vient, dis-lui seulement que j'étais souillé. Si vous me pardonnez, tu ne peux pas te mettre là. Ah oui, ce qui cala parle. Oh non, il faut être sincère. En tout cas, il n'a pas quoi na moyo yote aki. Frère, je suis d'accord avec toi. Mina kuchika. Mais comme tu es le mari qui m'épouse. Ça veut dire où kubwana otenyoa. Alors je dois te dire toute la vérité. Mina pas kuambia mambo yote wazi. Mie huyu naona. J'ai déjà couché. Misha kulalaka. Avec 50 hommes. Na banaume 50. J'ai déjà fait 5 avortements. Misha kutoshaka mamimba tano. Ça va édifier ton fiancé. Bile biote bitamsaidia ule wafia kufiancé kumchumbia. Uko bumbafu. Tu es seulement insensé. Il est repentant sur le foignac. La repentance que vous avez faite devant Dieu. Bel amour. Dieu a eu ma maïcha yota ya mungiza le foignac. À cause de la vie que tu menais dans l'obscurité, c'est suffisant. Quand le frère entend. Wakati nduku anashikia vile. Maïcha kulala ka 50. C'est coucher avec 50 hommes. Est-ce qu'on va 50 moules? Dans les 50 là, il n'y a pas mes beaux frères. Il n'y a pas mes frères. Dans les 50 là, tu as suivi le frère. On a mis chafou chandoku. Kubumbaf. Tu es seulement insensé. Tu avais avorté quand tu étais païenne. Quand le frère se rend compte que Ouko, j'étais le terme. Mina acha tu le msemu. Si vous comprenez. On a élu. Tu t'es rendu. Ignoble. Ma femme, y en a quoi, ovio san? Faut pas le faire. Ma femme, y a vile. Dites l'essentiel. Oui, c'est ma bien quoi, ben ma femme. Arrête-toi là. Na, si mamie a parlé. Si tu as un enfant. Comment on a mototo? Parce que l'enfant, tu ne peux pas le cacher. Du mototo, ouais, c'est comme fouti. Non, j'ai eu un enfant, deux enfants, trois enfants. Isaraka mototo, moi, ambili, voilà, t'as tout pas la panamambo. Si le frère tient à toi. Comment nduku wana kupenda paka? Il n'y a pas un problème. Akuna mambo. Tu parles de choses. Namuntu mwenye wana kuprendre en aversion. Et la personne mwenye anakuchukia. C'est la personne avec qui vous allez vivre des années. Mutafika mundoa deux pas. Arrivé dans le mariage, on va faire tout à tout en biri, kamambo kaloko. Il te rappelle la vie que tu avais passée dans l'ignorance. Akukumbusha ile maisha ulikuwa naishi mukosa kujua. Pas le faire. Pas na kufanya vile. Ce n'est pas juste devant Dieu. Aina sawa mbele ya Mungu. Quand le frère va écouter que tu as couché avec 50 hommes. Wakati nduku atashikia sema unashakulalaka na banaume 50. Unamua. Tu as déjà fait plusieurs avortements, tu l'as tué. Ushakutosha mamba mingi ni kuua. Pas le faire. Pas fanya vile. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Allez vous repentir à Dieu. Ndokatubu kwa Mungu. Pour tous les péchés dans lesquels vous avez offensé le Seigneur et les hommes en esprit, en pensée, en sentiment. Il peut y arriver à un certain moment. Les démons vous saisissent. De mauvais sentiments s'élèvent en vous contre cette église. Mania tu mombaya inalamuka nja uchukie tu kanisa. Et ces mauvais sentiments là, na ile mania mbaya, amène à vous de mauvaises pensées contre le pasteur, contre cette église. Mawazo mbaya unachukua mawazo mbaya kwa pasteur, mawazo mbaya kwa kanisa. Ne venez pas voir le pasteur. Pana kwa kumona pasteur. Ne venez pas voir l'église. Non, j'ai de mauvais sentiments contre cette église. Ne le faites pas. Je pense que tout le monde a compris. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, le péché qu'il faut se repentir à l'homme, Mazambi, ilo yezuku, tubu, kwa mtu, c'est tous ces péchés ni ili mazambi yoti, dans lesquels vous avez offensé ton prochain. Ndani yayo ulikosea nduku yako wala mtu unaishi naye. Pour le péché, Dieu mazambi, dans lesquels vous avez offensé Mule mulikosea votre prochain, jirani wako, allez voir ton prochain. Wendo kaone jirani wako nduku yako. Allez réparer avec ton prochain. Wende utengeneze na nduku yako. Et ensuite allez demander pardon au Seigneur. Akisha wendo mulombe Bwana buluma. Vous injuriez un frère. Ma, on a tout cas nduku. Vous volez l'objet, un objet d'un frère ou l'argent d'un frère. Naiba makuta wala kintu kya nduku. Vous commettez adultère, c'est-à-dire vous couchez avec la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. On a tena bushara tu ana abibu abenyewe wala bwana abenyewe. Vous prononcez de mauvaises paroles contre un frère. On a sema misemo mbaya ulu nduku. Des paroles grossières. Msemo wa mubaya kumiza. Des mauvaises paroles contre votre frère, votre sœur. Msemo mbaya kwa nduku yako na dada yako. Il y a beaucoup de péchés. Kuma sambi ya mingi que nous ne saurons pas énumérer ici. Ili hatutaweza kwanza kutaya hapa. Si vous offensez votre frère, votre sœur. Kama unakosea nduku yako wala dada yako. Ou votre prochain, voilà, jirani wako. Vous lui avez volé, vous l'avez injurié, Urumuiba, urumtukana. Vous êtes bagarré avec lui, urikumbana naye. Vous avez prononcé des paroles grossières contre lui, msemo mwa kuumiza mbaya, et beaucoup de choses, habitu ya mingi. Allez le voir, mwende mkamone. Dieu ne te pardonnera pas. Mungu asakurumia. Avant que tu ailles voir ton frère ou ta sœur. Avant que Dieu ne te pardonne. Arrangez d'abord avec ton frère. Tengeneza na nduku yako. Que celui que tu as offensé. Ulolikosea. Te pardonne d'abord. Akurumie kwanza. Et Dieu te pardonnera ensuite. Na Mungu atakurumia kisha. Dans la confession des péchés. Mu kukiri zambi. Il y a des péchés privés. Huko mazambi ya upeke. Il y a des péchés publics. Huko mazambi ya waziwazi. Il y a des péchés de couple. Huko mazambi ya mundoa. Pour ce qui est des péchés privés, kwa ile inangaria mazambi ya upeke. Allez le faire en privé. Wende uifanye kwa upekee. Pour les péchés du couple, kwa ndoa, zambi ya mundoa, allez les arranger dans votre couple. Mwende mutengeneze mundoa. Pour les péchés publics, kwa ma zambi ya waziwazi, faites-les publiquement. Mufanye waziwazi. Je donne un petit exemple pour que vous compreniez. Non, laissez-moi faire un petit coup de pied que lui. Un homme ou une femme qui a pratiqué la magie. Mon amour, qui a mon homme ou la femme magique. Et cela a eu beaucoup de conséquences sur les gens. Na il est une femme qui a matoki wa mubaya ulu abatu. Quand il vient au Seigneur. Wakati anamamini Mungu. Sa confession doit être publique. Ukiri kwake kuna pashi kwa kwa waziwazi batu bote wanaona. C'est ce que vous voyez dans Actes des Apôtres. Dieu est beaucoup dans matin dans mitumi. Ceux qui avaient pratiqué le magie, voilà, fanyaka, mama jende, après avoir cru, kisha beaucoup amin, ils amenaient leurs livres, baza kuleta bitabu yabo, et tout ce qu'ils avaient. Na bibi utakuwa na bibi. Lorsqu'ils pratiquaient la magie, wakati wakona fanya le magende. On amenait ça aux apôtres. Maanza kuletea ba mitume. Et ils les brûlaient. Na baranza kubichoma. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Je kuvile bitu ya pas franchir. La confession générale des péchés. Kukiri kwa mazambi yote. Doit toujours se faire en privé. Pas kufanyika para musiri. Tout en s'adressant. Au souverain sacrificateur qui est sur le trône. Mukoani muku ule moyoku apakiti aenzi. Lui qui a versé le sang pour nous. Ye arimwanga zambi damu juu yetu. Et lui qui intercède pour nous auprès du Père. Na ye kunetuombea kwa baba. Vous devez comprendre ça correctement. Mnapashi kuelewa hii mzuri. Il est inacceptable. Aina mamba kutikia. Qu'un péché privé. Zambia upeke. Se confesse publiquement. Non, non. Wanze kuenda kuitubu waziwazi mbele ya batu boti. Hapana. Publiquement. Waziwazi. Mais celui qui a fait la magie avec les conséquences catastrophiques sur les gens. Lakini ula fanya majende na mambo mubaya ilifikia batu. Il doit le confesser publiquement. Anapashi kutubu waziwazi bila bato. Acte chapitre 19. Matendo ya Mitume sura ya 19. Dans son verset 17. Utaya 17. Jusqu'au verset 19. Kapana 19. Cela fut connu de tous les Juifs. Ile ijulikana kwa Wayuda bote. Et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Na kwa Greki wote walikuwa nekala kule Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux. De tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Verset 18. Plus de ceux qui avaient cru. Venez. Confesser. Et déclarer tout ce qu'ils avaient fait. Et certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique. Ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 sigles pièces d'argent. Vous voyez. C'est vrai, frère. Laisser les privés, les péchés privés en privé. Mazambi ya upeke muyache kwa upeke. Laisser les péchés du couple en couple. Mazambi ya mundoa muyache mundoa. Vous voyez? Unaona? S'il y a un péché public. Na kama kukuzambi mwa utenda waziwazi. Alors ça c'est public. Ile unapashi kuitubu na mbele ya batu bote waziwazi. Vous volez une chèvre d'autrui. Unaiba mbuzi wa benyewe. Même l'église n'est pas là. Kanisa inapo. Et votre péché là affecte tout toute la cité et affecte l'église. Il est Zambia, il a Zambala, Mukanisa, Mujima, il a fait un Mukanisa. C'est un péché public. Ni Zambi, il est battu beau, tu vas rire. Alors arrangez cela publiquement. Wendo kaitengeneze wazi wazi. Vous voyez? Non. Voilà comment il faut agir. Joe Ville, il a fait écouter. Et tout se passe dans la sincérité. Na ile yote ifanyike na moyo wazi ya haki. Est-ce que c'est compris? Eti, donelewa. 74. J'ai insisté là-dessus. Mais na tiam kazo pai. J'ai parlé lentement. Mais na sema polepole. Parce que c'est une question qui est liée directement à notre salut. Sababu niulizo moyo inambatana kabisa kabisa na ukovu yetu. 74. Ulizo makumi saba na ine. Je suis un nouveau converti. Mina mini apa sasa. Je voulais savoir. Nilipenda kujua. Pourquoi vous référez beaucoup aux prédications de frère William Marion Branham? Jua nini munekalaka mukwangalia zaidi zaidi mahubiri ya ndugu Branham? Frère Branham a dit. Ndugu Branham alisema. Pourquoi ne pas se référer à la Bible? Pourquoi ne pas se référer à la Bible? Juanine autorise kwanza kurudilia pa ku Biblia. Seulement au lieu chaque fois de parler que frère Branham avait prêché en l'an. Bipari ya kwanza kuhubiria ndugu Branham arubiriaka mu mwaka fulani. Je sais que le message de frère Branham n'est pas contraire à la Bible. Mina jokusema ujumbe ndugu Branham ayachane na Biblia. Alors référons-nous à la Bible. Sasa tuanze tu kuangalia pa Biblia. Jésus-Christ est le même hier. Yesu ni mwamwa jana. Aujourd'hui. Leo. Éternellement. Na milele. Merci. Asante. Je réponds à cette préoccupation du frère de la sœur. Najib kuya ngai ku ya nduku wala dada. Frère Branham. Nduku Branham. Est le messager de cet âge de l'Odyssée. Ni yeye jo mujumbe wa kizazi kya Laodikia. Il n'est pas comme le reste, comme les autres prédicateurs. Ana saba ubiri boti. Il est de calibre de Moïse et de Paul. Ye eko mukipimo kya Musa na Paulo. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Musa arandika agano za kale. C'est la loi qui était le fondement de tout l'Ancien Testament. Ni ile sheria ndio kwa misingi ya agano zote za kale. Quand Paul est venu, wakati Paulo alikuja, lui il était le fondement du Nouveau Testament. Ye alikuwa misingi ya agano jipya. C'est lui qui enseigna l'église de païens dans la vérité. Nani yeye alifunza kanisa la pagano ndani ya ukweli. Et quand Dieu est venu dans cet âge de l'Odyssée, à la fin de l'âge des gentils, na wakati Mungu alikuwa mwikizaji kwa Laodikia kumwisho wa kizazi cha huko wetu kwa mataifa. Il a pris frère Branham. Arumbeba ndugu Branham. Comme prophète et messager. Sawa nabii na mujumbe. Pour révéler l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu a afunule agano za kale na agano jipya. Pour dévoiler Dieu a kufungula kweka wazi tous les mystères de la Bible. Ile masiri yote ya Biblia qui était caché, ilikuwa yenye kufunikwa kuchika mu Biblia, et qui était resté en suspense, na ilibakia bila majibu. Pendant les âges des réformateurs. Kadiri ya bizazi ya baba anza ku. C'est pourquoi la Bible dit, comme j'ai entendu notre pasteur le lire à l'introduction. Pave bilien tambia mishika mzee anasema ku mwanzo. Frère Branham. Anasema ndugu Branham. Avait une commission spéciale. alikuya na kazi moya ya upeke. De retourner, ya kurudisha, de rétablir, ya kurudisha toutes les vérités bibliques. Ma ukweli yote ya Biblia. C'est par lui que la parole a été restaurée. Na ni kupitia ndugu Branham, jo neno ilirudishwa. C'est la chose d'abord que vous devez comprendre. Jo ile bunapasha kuelewa kwanza. Je continue. Minaendelea. Quand nous prenons la Bible. Atuambia la Biblia. Peut-on parler de l'exode d'Israël? Eti, tunaweza kusema njia ya kutoka kwa Israeli. De la sortie d'Israël de l'Égypte. Kutoka kwa Israeli mu Misri. Sans citer le nom de Moïse. Bila kutaya mungina ya Musa. Pouvez le faire? Eti, munaweza kufanya vile? Peut-on parler de l'arche? Eti, tunaweza kusemezea ou du déluge? Ya safina wala mvula. Peut-on parler du déluge? Tunaweza kusemea njua ile darika ya Noa. Sans citer le nom de Noé. Bila mukutaya mungina ya Noé. Dans la Bible. Mu Biblia. Pouvons-nous parler de la repentance? Eti, tunaweza kusema du message de la repentance, du baptême de la repentance. Wala ubatizo wa toba. De la venue du Messie sur cette terre. Kuya kwa kwanza kwa Messie pa idunia. Sans parler de Jean-Baptiste. Bila kumutaya moyoni mbatizayo. On ne peut pas parler de la première venue de Jésus. Atuwezi kusema mambo kukuya kwa kwanza kwa Yesu. On ne peut pas parler de la repentance, du baptême de la repentance. Atuwezi kusemea njo batizo ya toba. Sans parler de Jean-Baptiste. Bila kumutaya moyoni mbatizayo. Pouvons-nous parler de l'évangélisation des nations, des païens? Tunaweza kusema njua injili kwa pagano. Sans parler de l'apôtre Paul. Bila kumutaya mo Paulo. Il est l'apôtre des païens. Yeye ni mutume wa wapagano. On ne peut pas parler. Atuwezi kusema. De la grâce de Dieu. Yuli ya neema ya Mungu. Du côté des nations, ngambo mataifa, on ne peut pas parler. Atuwezi kusema de l'église du Seigneur du côté des nations. Kanisa ya Bwana ngambo mataifa. De l'évangélisation du côté des nations. Injili ku ngambo mataifa. Sans parler de Paul. Bila kumutaya mo Paulo. Et on ne peut pas parler aujourd'hui. Na leo hii atuwezi kusema du message biblique du temps de la fin. Ya ujumbe ya wakati ya mwisho wa Biblia. Et de la préparation. Na matayarisho. Pour l'enlèvement de l'épouse. Sans parler de William Marion Branham. Bila kumutaya mo William Marion Branham. C'est lui que Dieu a mandaté. Niye Joe Mungu alipatia hii kazi. Pour nous annoncer le message de la préparation. Kutangazia ujumbe ya matayarisho. C'est un vase que Dieu avait utilisé. Ni kiombo kile Mungu alitumikisha. Pour nous transmettre le message biblique. Ju apate kutufikishia ujumbe wakati ya mwisho wa Biblia. Regardez quand Paul est arrivé. Mwangalie wakati Paulo arrivé. Wamituma alifika. Le Nouveau Testament n'existait pas. Agano jipya haikukuyeko. Mais regardez quand ils enseignaient. Mangaba alianza fundisha. Ils disaient selon ce que dit la loi. Selon ce qu'a dit Moïse. Fuatana vile kutarishi. Même Jésus lui-même. Na Yesu yeye mwenyewe. Il se référait à Moïse. Alianzaka kuangalia bile Musa aliandikaka. Il se référait à Isaïe. Alianza kuangalia kubile Isaya aliandika. Selon ce qui est écrit en Jérémie. Fuatana na bile Yeremia alisema. Selon ce qui est écrit dans la loi. Selon ce qui est écrit dans les psaumes. Selon ce qui est écrit dans les prophètes. Ce sont des vases que Dieu a utilisés pour transmettre. Bile Mungu alitumikisha njoo kutufikishia la vérité de l'évangile. Ukweli ya injili. Si en citant le nom de Frère Branham. Kama tu mukutaya injili ya ndugu Branham. Tu es à choper. Wewe kuna kwala. Tu es faux dans ton cœur. Ndani ya moyo wako hamuna sawa. Quand nous nous citons Branham, wakati tunamtaja Branham, pour nous, chie, c'est comme nous citons Paul, ni pas vrai tunamtaja Paulo, tunamtaja Jeremia, nous citons Zacharie, nous citons Matthieu, tunamtaja Matayo, Luca, voyez Marc, munaona Marco, nous citons Jean, tunamtaja Yohana, voyez, munaona, ce sont des prophètes bibliques, ni wanabii wa Biblia. Vous voyez? Non. Quand Branham nous a amené la parole prophétique. Donc Branham a tout été à Neno Nabi. Donc la parole est révélée. Neno yefunuliwa. On ne peut pas parler de la parole révélée sans parler de lui. A tous ceux qui se mettent à lui à Neno yefunuliwa bila kumtaya Branham. Non frère. Pananduku. Nous l'aimons. Tu n'empenda. Dans la parole de Dieu demeure éternellement. Page 16. Beaucoup n'aiment pas que je cite souvent le frère Branham. Mais qui peut parler du déluge sans mentionner Noé? Qui peut parler de l'Exode? De l'exode du peuple d'Israël. Nanyu lanezu kusemezea yula kutoka kwa taifa Israel. Bila kumtaya Musa. Qui peut parler de la préparation du chemin du Seigneur? Juya matayarisho ya Bwana. Jean-Baptiste. Bila kutaya Yohana Mbatizayo. Vous voyez. Munaona. Ce sont de vases. Ni vyombo. Que Dieu a utilisé. Pe Mungu alitumikisha. Mais, lakini, nous n'adorons pas ces vases-là. Ato abudu ile vyombo. Non. Abana. Ce sont des micros que Dieu a utilisés. Ni ma vyombo tu Mungu alitumikia. Et pour aller un peu encore plus bas. Na Dieu a kwenda ta chini zaidi. Est-ce qu'on peut parler de l'église de Kambov? Eti, tunaweza kusemezea yule wa kanisa ya Kambovu. Sans parler de Ngoi. Bila kumtaja Ngoi. On peut le faire. Et tu ne le fais pas. Si on parlait de Ngoi, c'est une adoration. Kama manataya mungoi, ni tunanza kumabudu. Si maintenant, quand on parle de Kambov, kama nasema Kambov, on cite le nom de Ngoi, manataya njina Ngoi, et que cela t'attriste, na wewe unanza kuzunika. Tu as des mauvais esprits. Wewe kuna maroto mchafu. Dieu n'utilise pas les anges. Mungu asitumikisha kwa malaika. Même lorsqu'il les a utilisés, ata pala watumikisha, pour transmettre le message, Dieu a kutuma kuleta habari, Biblia ilisema, Dieu avait envoyé l'ange Gabriel vers Marie. Yasema Mungu alimtuma malaika Gabriel kwa Marie. Dieu envoya l'ange Gabriel, Mungu alituma malaika Gabriel vers Daniel. Kwa Daniel. Donc cela ne peut pas te causer du tort. Nasema ile aise kwanza kumiza wala kukosea. Là-bas, je m'arrête ici. Parce qu'il est exactement 18h. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que c'est compris? Eti munaelewa? Qui a compris? Nani anashiki? Lève-nous pour dire un mot de prière. Shimame njo amsemo moya maombi. Seigneur, nous te disons merci. Bwana tunakupikia asante. Ces questions ont été posées. Ima ulizo, bali uliza. Parce qu'il y avait une inquiétude quelque part. Sababu kurukuya mangaiko mafulani. Le frère ou la sœur. Nduku wala dada. Qui a posé cette question ou mwenye, ces questions? Ari uliza iulizo wala ima ulizo. Qui représente plusieurs questions qui étaient dans le cœur des frères et sœurs. Ule anonekanisha maulizo ya mingi kwanda ya mewa badada manduku. A été inspiré pour que l'église soit éclairée. Ye alisukumwa kuliza ulizo juu kanisa yangaziwe. Merci pour toutes ces questions. Asante kwa hii maulizo yote Bwana. Seigneur. Bwana. La parole a été donnée. Neno iletewa. Ce n'est pas la parole d'un homme. Aina neno la muntu. C'est toi qui as parlé à ton église de Kambo. Ni wewe jo unasema na kanisa yako ya Kambo. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, comme ton peuple veut expérimenter une repentance sincère et recevoir un pardon réel qui le conduira à un véritable salut et à une véritable délivrance. Seigneur, dans ta grâce, accorde à chacun de nous cette grâce-là. Lorsque nous avons besoin de nous repentir, que nous faisons tout selon la parole. Que nous faisons tout selon ta volonté. Bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai vu Mouzé partir précipitamment, je ne sais pas. Il y a une urgence. Mouzé est au Kakouaraka, tu dis Kakouaraka. Donc, je clôture le culte. Tamaliza Ibada. Il y avait une urgence. Profiter le temps. Ah, ah oui. Non, non, ça va. Ok. Il y a une urgence. Kouaraka Moya. C'est où? C'est mardi, hein? Aujourd'hui, c'est le 23? Oui. Le frère Miki Kyoya. Donc, Miki Kyoya? Par la même occasion, demande au frère. D'abord, il salue l'église. Et par la même occasion, demande la prière des saints de Kambouv. En faveur de sa fille Miradi, Miradi qui va être opérée de l'appendicite et de hernie ombilicale demain mercredi à Kesho, mercredi Lubumbashi. Nous avons les salutations de notre sœur consolée. Salam yandukuye daretu consolée. Et de notre sœur Kabareza Fanny depuis Kigali. Na ndukuye daretu Kabareza kule Kigali. Qui était avec nous en ligne. Ule akwani tufata kumtandao. Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Kigali ni capitale ya Rwanda. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Allez en paix. Tendeni msalama. Jina Yesu Kristo. Nous allons nous revoir demain. Tonana kesho. Comme la pluie tombe là. Tade mvule na pika. Au lieu de vous précipiter pour aller, vous allez vous oublier. Alba kwenda haraka, mbani, na baridi nutapata, utapatia mwana kikozi. Comme les médicaments sont devenus accrochés. Alors, restez chanter pour Dieu. Les autres peuvent prier. Lorsque la pluie va s'arrêter, nous allons partir. Si vous avez le véhicule, akuna mama. Si vous avez votre parapluie, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas vous mouiller. Pour attraper la malaria ou la toux. Attendez que la pluie puisse s'arrêter. Entre temps, vous servez le Seigneur. Oui, là, après la pluie, nous allons partir. Mais si vous avez cette possibilité d'affronter la pluie, vous n'êtes pas quand même du sel. Tu peux te mouiller, tu vas changer les habits. Mais quand tu vas t'arriver, il faut prendre quelque chose. Pour éviter les courbatures. 241 000 amis.